Ce soir, il s'agira de la première édition du Undead Incorporated Show du printemps. Printemps, du moins théoriquement. Et qu'est-ce qui arrive lorsque le printemps se pointe? Eh bien, les choses dégèlent. Toutes sortes de choses. Parfois ceux que nous sommes contents de revoir et qui étaient ensevelis sous la neige, et parfois d'autres qui sont de moins bonnes surprises, voire désagréables. Parlant de désagréable et de dégel, il arrive aussi parfois, à notre grande surprise, que ce soit atterri pendant longtemps un ignoble gobelin et qu'au printemps, il décide de recommencer à faire ses stupidités. Ça, c'est fort désagréable et en plus de sentir particulièrement mauvais. Et je vous le dis, pour moi ce soir, c'est effectivement fort désagréable. Maudit gobelin, sois-tu que la peste soit de toi! Ah ben oui, c'est vrai. Il y a déjà les pistes, puisqu'il s'agit du pestilentiel Sinistros. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin son assistant, surtout lorsque l'assistant en question, que je croyais guéri à jamais, refait encore surface avec une liste de mauvais coups pendables. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated. Cause we said so. Go.

musique. C'est fou, 89.1. Samedi le 28 mars, 21h30, votre café-bar Le Zénob accueille la formation Horror Book and the Author. $8 à la porte. Pour une soirée indie pop électro, venez découvrir ou redécouvrir Horror Book and the Author ce samedi 28 mars au Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2-pour-1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Fou de nuances. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette dernière émission. Non, c'est pas la dernière, c'est vrai. Mais l'avant-dernière émission du mois de mars de 7 ans de disgrâce 2015. Ouais, je vais dire 2015, nous sommes le 24. Je suis le tout gentil Dr. Payne Pendragon et je suis accompagné cette semaine encore de Sinistros. Eh bien. Good evening. J'ai même pas d'applaudissements ce coup-là. C'est super, ça. Merci, merci. Sinistros, il faudrait que je te présente quelqu'un. Es-tu partant? Ben, voyez, il y a sûrement quelqu'un qui a pris ma place avec les... Ben, en fait, il y a plusieurs personnes qui gravitent autour de réanimation à l'occasion. Il y aura classique aussi, mais je vais te présenter un des personnages les plus colorés qui est, je dois dire, quelqu'un qui a une opinion, ma foi, toujours très importante. Je vais te présenter Horace. Bonjour, Horace. Eh bien, Horace trouve que j'avais raison en présentation d'émission. Tu as une odeur particulière. Oui. Parce que voyez-vous, avec toutes ces années, que dis-je, ces siècles d'existence, parce qu'en passant, la peste, c'est réellement moi qui l'ai inventé. Hein, j'ai un brevet là-dessus. Oui, tout à fait. Ça, on en est fort conscient. D'ailleurs, tu la portes encore à merveille. Oui. Et Horace voudrait te rajouter quelque chose aussi. Oh. Hein, c'est pas un peu dire, n'est-ce d'accord. pas, mon Jean? Merci, Horace, très gentil. Bon, merveilleux. La glace est brisée maintenant. Hey, Sinistros, comment ça va? Et ça va très bien, mais je sais que tu ne veux pas le savoir. Non, non, je veux le savoir, mais je veux surtout savoir pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est le printemps. Ouais, je l'ai... Bon, mon micro qui s'en va. Reste-y. Je l'ai dit en introduction, c'est le printemps, mais en théorie. Oui, mais ça, je... J'ai l'impression que c'est l'austérité qui fait ça. Probablement ça a une influence directe. Non, mais calcule. Tu sais, vite, vite, de même, là. Enlève le printemps, enlève l'été, enlève l'automne, tu me gagnes de l'hiver. Hydro-Québec va faire de l'argent en tabarnouche. Ça, c'est sûr. Fait que tu vas pouvoir augmenter les contribuables encore plus. Poup, poup, poup. Mais nous autres, on va en perdre beaucoup. Ben là, on peut pas t'avoir dans la vie. Là, non, mais ça a l'air qu'on n'a pas grand-chose non plus. Non, avec le salaire qu'on a, c'est ça. Et voilà. Hey, mon cher, tu es avec nous encore ce soir parce que tu as décidé que tant qu'à me la faire pas facile, tu irais jusqu'au bout. Oui. Il est même possible que tu sois là la semaine prochaine. Ben ça, c'est sûr que je suis là la semaine prochaine. C'est sûr que tu es là la semaine prochaine. Oui. Il est peut-être même question que tu prolonges ton séjour. Et malheureusement pour toi, ça se peut très bien. Ouais, mais c'est parce que là, un gars visant vaut deux, hein. Fait oui, même trois. Oui, c'est, puis tu vas le savoir assez vite. Bon, on vient d'entendre la formation polonaise Behemoth avant cette pause publicitaire et ses quelques élucubrations avec la pièce Sculpting the Throne of Set. C'est tiré de l'album de 2004 Demigod, qui était sous étiquette Regan Records. Nous avions Bloodbath Formation suédoise et un extrait de leur dernier album fort intéressant. La pièce étant Let the Stillborn Come to Me. Très bon album. Toi aussi, t'as aimé? Oui, très bon. Ah oui, c'est vrai que c'est bien. L'album étant Grand Morbid Funeral, c'est paru un peu plus tôt à la fin de... Ben, en fait, oui, à la fin de 2014, sous Peaceville. Decapitated, une autre formation polonaise, c'est un de mes albums top 10 de l'année 2014, la pièce Veins, qui est tirée de l'album Blood Mantra. En 2014, sur, ben en fait, c'est pratiquement tout des 2014, hein? Ben oui. Nuclear Blast, Cannibal Corpse et la pièce High Velocity Impact Spatter, pièce d'ouverture du dernier album Skeletal Domain. C'est sous étiquette Metal Blade et nous avons ouvert avec une formation des Pays-Bas, Ails of Bullets et la pièce Full Scale War. C'est tiré de l'album On Divine Winds. Celui-ci est paru en 2010 sur Metal Blade également. Ce soir, on n'a pas d'émission particulière, on n'a pas de thématique particulière, non. Une thématique particulière à ce moment. Oui, c'est comme tu dis. Particulière. C'est une émission dite régulière, n'est-ce pas? C'est avec ça. Des présentations tous plus plates les unes que les autres, comme vous pouvez le voir en ouverture d'émission. Comme d'habitude. Oui, attendez, le meilleur s'en vient, c'est ses choix après. Non, mais pourquoi tu n'es pas décidé encore de te lancer vraiment dans le metalcore, le deathcore et tous ces trucs-là. Parce que c'est bien trop bon. Oui. Puis ça rehausserait la qualité de l'émission, puis je peux pas me permettre ça. T'as raison. Je l'ai dit, c'est tous plus plates les uns que les autres, ce qu'on pense. Pourquoi j'arriverais avec du bon matériel soudainement? T'as raison. Écoute, évidemment, ce soir, je vais reprendre la formule que j'ai abandonnée durant les deux dernières semaines, faute de temps, mais bien sûr parce qu'on avait des invités, la chronique cinéma, la chronique musicale. Mais aussi, j'aurai quelques... Comment dire, commentaires des spectacles que j'ai vus le week-end dernier. Mais ça, on va faire ça là, au retour de la première présentation de Sinistrose, qui, selon moi, est probablement la plus faible de l'émission. Ben oui, on met des vieilles charognes pas bonnes. Tu y vas avec des affaires là, qui sont de 1900 fait plus. Là. Ben oui, 1900 fait plus. Ça fait très longtemps, ça. Non, mais c'est quoi ça, ces affaires-là que je vois là? C'est là. Un paquet de groupes finis. Oui, je vois ça, le Judas Priest. Hein? Ça n'a pas de bon sens, des affaires de même. Hein? Ben, c'est même pas un autre groupe. Putain, parce que tu m'as dit de ne pas rehausser la qualité de l'émission. Oui, ben, donc, j'ai nivelé par le bas. Ben, pour une fois, tu m'aurais écouté. Je trouve que je devrais te donner quelques félicitations. Donc, les voici. J'ai choisi 5 bandes finies, complètement finies. Hein? Juste de la pourriture nauséabonde. Rien de bon là-dedans. Ouais, ben, à la radio, le nauséabond, je ne suis pas sûr qu'ils vont s'en rendre compte. Ben, venez pas ici parce que vous allez le savoir. Non, venez pas ici de manière, même quand il n'y a pas de musique qui joue juste avec lui, oui, c'est bien en masse. Non, blague à part, tu nous as cherché des choses qui sont dans le premier décan de 80, hein? Oui. Et puis, comme quoi, donc? Ben, comme Judas Priest. Ah, ben, t'as-tu toute une surprise, ça? Personne s'en attendait, celle-là. Ben, hein? Non. Mais encore. Ben, on a du Dio. Oui. Oui. Accept. Ah. Slayer. Connais pas. Puis Septic Frost. J'ai l'impression qu'on est en train d'animer Beau Dimanche. Là. Bon Dimanche avec Ray Malo et René Aumirois. J'ai mélangé ces deux groupes-là, Septic Frost et Celtic Flesh. C'est d'un ridicule. Donc, allons-y avec Judas Priest. Et Screaming for Vengeance. Ah, ben, c'est un grand classique. C'est un très grand classique. Oh. Tiré de l'album du même classique. Bon, ben, je vais tenter de dire ceci. Go. Thank you.

89.1. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Vous êtes geek et vous vous assumez. Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante aussi. Retrouvez Television Television, CNX, Merci Science, Wowat Web, C'est un fait Tech Edition, en plus de la chronique sur les jeux rétro de Samuel Girard et d'une sélection irrésistible de musique chiptune. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, les mercredis de 13h à 15h, en rappel les jeudis à 17h. Je me sens comme un oiseau! Ah ouais? Bon, ton parachute? Hé! Hey, pour moi! Et où la corde? J'ai remplacé ton parachute par un sac à dos! C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro tous les lundis à la Chasse-Galerie. Lundi le 30 mars, c'est les séries éliminatoires qui commencent. Venez voir la demi-finale. 20h, Chasse-Galerie, gratuit. Le temps d'une pinte, microbrasseurs et micro-torréfacteurs se rassemblent pour vous faire découvrir des saveurs locales du petit matin jusqu'en fin de soirée. Des bières traditionnelles et novatrices, des cafés frais torréfiés autour d'une table évolutive et originale. Lieu de prédilection pour une session d'études, un souper et une soirée conviviale dans un cadre rustique évoquant l'époque ouvrière. Parce qu'il fait soif d'originalité et de qualité. Radio-Canada présente le Salon du livre de Trois-Rivières du 26 au 29 mars. Osez la parole avec plus de 400 auteurs sous la présidence d'honneur du poète Jean-Paul Daou. Programmation sltr.qc.ca. Fou de fraîcheur. C'est fou, 89.1. Et je vais me reprendre. Je vais faire amende honorable. Voici Sinistrose. Merci. Merci. Merci. C'est de ridicule. Oui. Effectivement. Mais t'es-tu content, là? Oui, mais le pot s'en vient, ce sera pas trop long, hein? Non, non, je vais t'épargner parce que ça fait trop longtemps que t'es pas venu, puis j'ai l'impression que t'as la peau plus tendre qu'avant. Non. Crétin. Bon, c'est quoi ces vieilleries-là, là? C'est des vieilles affaires. Ouais. Presque aussi vieux que toi. Oh. Impossible. Oh, impossible? Ben non. D'accord. Je suis encore une jeunesse. Oui. Je suis encore une jeune fille. Pas une jeune fille. Tu me fais avoir des consomptions. Oui. Celtic Frost avec Into the Crypt of Rays, c'est apparu sur Morbid Tales en 1984. C'était précédé de l'intro Yo-Man. Yo-Man, bien oui, sûr. Effectivement. C'est apparu en 1984, bien évidemment. Sur Noise Records, ou Noise pour les intimes. D'accord. Slayer, Evil Has No Boundaries, qui était tiré du premier album Show No Mercy, donc c'était la pièce d'entrée de c'est un appetizer. Et comme on disait en onde, là, malheureusement, là, ça reste un classique, là, Show No Mercy, là, de 83. Mais l'enregistrement a tellement pas d'impact, là. Ben, c'est sûr que les enregistrements de 1984, ça n'a pas l'impact de 2015. Non, pas du tout. C'est que là, que j'entends des bandes de 2015 qui essaient de sonner comme ça, là, je m'esclaffe en disant, est-ce que vous avez rien compris? Oui, puis malheureusement, je me demande surtout pourquoi des bandes importants comme Slayer ne prennent pas la peine de faire un remaster, une ressortie de leur... Comme il y en a plusieurs qui le font, là. Oui, mais ça, c'est peut-être des questions de droit sur les masters. Tu sais, là, c'était Metal Blade. C'est Metal Blade. Est-ce que Metal Blade a encore des droits là-dessus, puis que Slayer se chicane avec Metal Blade? Ouais, c'est pas de question de Def Jam, American, puis compagnie. Maintenant que Slayer sont rendus sur Nuclear Blast, ben ça, y a peut-être des choses qui vont changer. D'ailleurs, album attendu, semble-t-il, pour l'été. Oui. Alors, c'était sur l'album Show No Mercy, qui est paru en 83, 1900 toujours. Oui. Sur Metal Blade Records, Accept avec Losers and Winners de l'album Balls to the Wall de 1983. Ça, si je ne m'abuse, c'est un album qui t'a marqué, ça. Oui, effectivement. Celui-là, puis Metal Heart. D'accord. Dio, avec We Rock, qui est selon moi une des meilleures pièces de Dio. C'est une très bonne pièce. Oui. Tiré de Last in Line, qui est apparu en 1984 sur Warner Brothers. Hey, Judas Priest. The Last in Line, c'était son premier ou son deuxième? C'est le deuxième. Deuxième solo. C'était le premier. OK, d'accord. Sacred Heart, le troisième. Puis il y en a fait d'autres après qu'on se rappelle plus. On se rappelle plus, c'est ça. Judas Priest avec la pièce titre de l'album Screaming for Vengeance, qui était leur 98 ou 99e album, paru en 1982 sur CBS Records. Ouais. Je sais pas quel xème que c'était. Bon, ça devait être au moins le 10e facile. Possiblement. Je sais pas. Ça vaudrait la peine de vérifier. Oui, on va aller vérifier ça. Nous irons aux sources. Tu sais, mon cher Sinistros, j'ai passé une fin de semaine de débauche totale. Ben, en fait, de fatigue pour le moment. Ah, OK. De spectacle métal. En fait, vendredi... Non, je n'ai pas assisté vendredi au Metal Fest ici à Trois-Rivières. J'avais l'occasion d'aller voir Enslaved à Montréal en compagnie de... Ben, en fait, trois autres formations. Moi, en ce qui me concerne, c'est faux parce que je n'en ai vu que trois au total. C'est arrivé trop tard pour voir la première formation, Sons of Bedlam. Mais par contre, on a eu la chance, et c'était une super découverte pour moi, et je pense aussi pour le Rockmaster, là, Ecstatic Vision, qui est un trio, c'est un power trio, vraiment, qui donne dans une espèce de... Et c'est très dur à qualifier le style musical. Je dirais un mélange de Mahogany Rush, de Motorhead, de Cream, quasiment de Jefferson Airplane par bout. T'arrêtes de perdre la moitié des auditeurs de réanimation. Et je le fais volontairement. OK, d'accord. En fait, je viens de perdre l'auditeur. Oui, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment aimé. C'était une découverte pour moi. C'était suivi de la formation qui vient de l'Oregon, Yob, qui est un autre trio qui donne dans un stoner à forte tendance doom. Les avis étaient partagés. Sur quatre, on était deux à avoir aimé et deux avaient détesté. Moi, je faisais partie de ceux qui avaient aimé. J'ai beaucoup aimé Yob. Non, mais t'as pas de goût, toi, fait que c'est... Ben, ça, c'est reconnu de tous. Mais il reste que, comparativement aux autres, je trouve que j'en ai beaucoup. Ah. Mais non, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment apprécié des pièces très longues. Je me suis procuré le dernier album qu'ils ont fait en 1914. Ouais, c'est ça. Il y a des pièces de 18 et 16 minutes là, là-dessus. Et c'est un album qui comporte quand même, je dirais... 22 pièces de 18 minutes. Non, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas 4 pièces de 18 minutes. Là. C'est facilement 7, là, je crois. Là. Donc, c'est... Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et, je connaissais Enslaved, bien sûr, mais je n'avais pas eu l'occasion jamais de les voir. Et j'ai été très emballé de leur prestation. J'avais l'impression de voir... Bon, t'as vu Opeth, toi aussi. Oui. T'as apprécié l'espèce d'échange que Mike Akerfeld a avec le public. Oui. Tu sais, c'est quelqu'un qui est très intelligent, c'est quelqu'un qui est très brillant, qui a une subtilité. Un petit pince sans rire. Le band est, comment je pourrais dire, très charismatique. Ben, Enslaved, c'est à peu près ça. Disons, avec peut-être un petit peu moins... de subtilité, parce que le band bouge quand même beaucoup. avec une attitude qui est très, par moments, très old school, avec des tu sais, très entertainer. Et Grotel, le bassiste chanteur, est quelqu'un qui a beaucoup de façons avec le public. En fait, il l'a dit à un moment donné, il dit, vous savez, il dit que la première fois que nous sommes venus jouer au Canada, c'est ici, sur cette scène même, au Fofounes Électrique. Il dit, la seule différence, il dit, c'est que je trouve qu'elle est plus petite, ou c'est nous qui sommes plus gros aujourd'hui. Mais quand tu regardes un guitariste comme Ivar, là, qui est vraiment un gros berserker, là, tu te dis, ouais, ça se peut qu'il trouve qu'il manque un peu de place sur le stage. Mais c'était excellent. J'ai beaucoup apprécié. Et je pense que le public aussi a apprécié parce qu'il y avait beaucoup de monde. Le samedi, le lendemain, eh bien, nous nous sommes rendus pour la deuxième soirée du Metal Fest, bien sûr par les gens de Trois-Rivières Metal. Et en fait, je vais être franc parce que je n'ai pas assisté aux trois premières formations. Je n'ai pas pu me rendre à temps. Je suis arrivé pour la formation Genetic Error. Genetic Error, ben, je n'ai pas besoin de te présenter. C'est une formation qui est trifluvienne, qui avait mis fin à ses activités il y a presque une vingtaine d'années. Qui avait c'est une été formation, comme on va dire, que dans notre temps. Dans notre temps. C'est une formation qui a été assez importante dans notre temps, qui, je pense, aura suscité aussi l'intérêt des plus jeunes le week-end dernier, parce que c'était une reformation avec, en fait, des membres, je dirais, presque originaux, si on veut, là. Et l'ajout de Alain Deslauriers, qui a joué aussi dans d'autres formations métal trifluviennes, comme guitariste. Moi, j'ai eu l'impression que les gars s'étaient jamais séparés, là. C'était vraiment un excellent show de, si tu veux, de retrouvailles, si on veut. C'était très bien. J'ai aimé l'attitude, j'ai aimé, quoi, c'était très tight. Le son était malheureusement déficient. Le son est terriblement dur à faire à cet endroit-là, là, la bâtisse industrielle. C'est vraiment, je pense que c'est un des endroits qui cause énormément de migraines au Soundman qui opère le festival. Bon, le fait qu'il y avait un peu moins de monde aussi, ben ça l'a joué sur la qualité sonore, bien entendu, mais le spectacle était fort intéressant. Benighted, formation belge, je crois, qui chante dans un death grind francophone. Ben, moi, c'est pas le genre qui me plaît vraiment, honnêtement. Razor, très très fort comme prestation, Razor. Quel est le nom du guitariste déjà? Dave Carlo. Bon, écoute, j'étais sur le côté de Dave Carlo. On s'entend que M. Carlo n'est pas très actif sur scène, là. Mais il n'a jamais été. Mais là, il fait un peu effacé, là, je dois dire. Mais par contre, Rob, le chanteur, donne un bon spectacle. Campagnolo aussi se donne bien. C'était fort bien rodé comme spectacle. Ils ont eu un bon choix de pièces en plus. Ils ont même joué Take This Torch. Oh, cool. C'était vraiment bien. J'ai aimé malheureusement ça. Pas pu assister au spectacle. Ben non, t'avais la diarrhée, je pense. Ben oui. La peste! Ben, t'as jamais cessé de l'avoir, la peste. Là. C'est plus une raison, là. OK. Bon. Gorgots. Ben, j'étais un fan de Gorgots. C'était un bon spectacle. C'était droit. Mais il faut dire que Gorgots, on s'entend pas à voir l'hécatombe sur scène, là. C'est assez statique aussi. Pas le temps de faire un mosh pit là-dessus, là. Bon. Mais c'était vraiment bien. Et comme les gens le savent, bien, Flesh God Apocalypse n'avait pas pu se rendre faute de, je crois, il y avait une grève de transport aérien, ouais, là, en Italie. Donc, ils ont dû canceller la dernière minute. C'était remplacé à pied levé par le headliner du vendredi, God Dethrone, avec qui j'ai eu l'occasion de... Ben, en fait, j'ai rencontré brièvement. God Dethrone, on jouait après Gorgots? Ouais, c'était eux autres encore qui étaient headliner pour le samedi. Écoute, les gars semblent se donner à fond. Malheureusement, c'était très fort par moment et le son est encore un peu déficient. Donc... peut-être difficile d'apprécier, parce que je connais God Dethrone, mais de là, par moment, j'avais de la difficulté à reconnaître certaines pièces. Mais dans l'ensemble, moi, je pense que les gens de Trois-Rivières Metal se sont donnés à plein poumon, à plein cœur pour faire leur événement. La réponse des gens n'aura pas été au rendez-vous autant qu'espéré. C'est dommage. Peut-être la température. Ça l'a pas aidé, c'est peut-être certain. Peut-être le temps dans l'année aussi. Ben, écoute, il y a différents facteurs qui sont probablement des impondérables à quelque part, mais c'est certain que le blizzard qui nous est tombé sur la tête en pleine soirée, ça l'a pas aidé. c'était vraiment à un moment donné, on voyait plus rien, là. Fait que, si, ça a peut-être découragé des gens d'arriver un peu plus tard dans la soirée, là. Bon. Mais bref, j'ai eu de beaux highlights dans cette soirée-là. Et justement, parce que, j'ai été très heureux de les revoir après plusieurs années. Ce sont des chic types, ce sont des amis, Genetic Horror. Ben, c'est mon highlight de la soirée. On l'a passé il y a deux semaines, mais je vous la repasse. Voici Superficial Genetic Horror. Go! Never wrong, because if she had her system, getting all the first he drains. Genetic Error est la pièce titre de cet album Superficial qui est paru, si je ne m'abuse, en 95, il me semble, ou 96, faudrait que je vérifie. Ah, c'était un beau moment de la soirée du Trois-Rivières Metal Fest. En parlant de spectacle, BCI vous propose le jeudi 14 mai prochain à 20h au Théâtre Corona, Conquerors of the World 2015, mettant en vedette Septic Flesh, Moonspell et Death Star. C'est à 20h au coût de 21,74 et 26,9 plus taxes. C'est disponible à la billetterie du Théâtre Corona. Et le vendredi 29 mai, 19h au Club Soda, c'est Sepultura, Destruction, Arsis, The Last 10 Seconds of Life et Starkill. C'est au coût de 30,43, 34,78 plus taxes. C'est la billetterie du Club Soda. C'est à 19h. Sinistros. Quoi donc? As-tu écouté le nouvel album de Slave? Oui, mais j'ai toujours un peu de misère avec cette bande-là. Ouais. J'ai toujours trouvé que ça avait de la misère à décoller. C'était légèrement trop mou. OK. Il y a un côté... Il y a des côtés que j'aime, mais il y a des affaires qui m'agacent dans ce groupe-là. Okay. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Là, Ben, écoute, moi, je te dirais que je l'ai écouté environ trois fois avant de lui donner une petite chronique sur le site de réanimation. Je lui avais accordé un 7 sur 10 et je suis maintenant porté à lui donner un 8 sur 10. Okay. Ouais, j'ai bien aimé cet album-là, je le trouve fort correct. Je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que le nouveau Marrakech est excellent. Moi, j'ai donné un 9,5 sur 10. Ben, ça vaut aussi. Il est très, très bon. Quelque chose que je vous déconseille fortement d'écouter, selon mon goût, là, c'est subjectif bien entendu, c'est la formation brésilienne Black Death Metal qui porte le nom de Evil et l'album Ashes of Old. C'est très original comme nom de ouais, beaucoup. Le reste l'est tout autant. Écoute, ça sonne comme un démo de mauvaise production, ce qui aujourd'hui est difficilement acceptable. Là. C'est pas acceptable. Moi, selon moi, c'est inacceptable. Écoute, on produit des démos dans un des albums pratiquement dans un sous-sol qui sonne mieux des albums de l'époque. Là. N'importe qui avec un iPad minimalement, même un iPhone, ben capable de taper un album qui a bien de l'allure, là, garde. Ça sonne très, très mal. C'est très stéréotypé, puis on a entendu ça des centaines de fois. Il y avait la pochette que je trouvais intéressante, puis écoute, le vocal est pas très bon. Quelques riffs là, dans la mauvaise sonorité production qui était peut-être intéressant, puis j'ai accordé un 2 sur 10. Fait que Evil, la pièce Ashes of Old, formation brésilienne, non, j'ai pas aimé ça. La semaine prochaine, je vais vous parler d'une formation de Grèce qui donne dans un technical death metal. Elle s'appelle Sickening Horror, l'album Overflow. Tu sais que la Grèce, Il y a un bon bassin. Il y a un bon bassin. Il y a un bon bassin, donc. Mais je n'ai pas écouté encore. C'est sûr que certains, ça va assez mal dans leur pays, économiquement parlant. Ouais. On doit chioler un peu, là. Ouais, puis s'ils le font musicalement pour notre grand plaisir, eh bien, tant mieux. Le 7 avril, c'est la sortie du nouvel album, On God de Morgoth, qui, en fait, reprennent le service. J'ai hâte d'entendre ça. Moi aussi. Très curieux. Vraiment. Parce qu'apparemment, ils ont laissé le côté rock, puis sont revenus pas mal plus death metal, là. Ben, ils étaient même pratiquement, à un certain moment donné, plus dark. Je dirais dark metal, la même tendance. Ben, tendance très rock. Oui, ben, c'était hard rock. Hard rock. Il y a aussi, pour les amateurs, Satyricon qui lancera un album live le 1er mai, Live at the Opera. Et c'est vraiment avec une opéra. Ah! C'est vrai. Ben, écoute, par curiosité, moi, je vais vouloir savoir comment ça sonne. Ben, c'est un des bandes du genre que je trouve correct. Point d'amateur du genre, ben. Mais qu'est-ce que t'aimes, toi? Rien. Ah, c'est. Bon, OK. Ceci étant dit, là, ça va faire, j'en sais parler avec toi. Bon, dans les films que j'ai vus dans les dernières semaines, parce qu'évidemment, je n'ai pas le temps de faire aucune chronique, ben, je vous parle d'un film de science-fiction et d'action qui porte le titre de Exist et qui est un film de Eduardo Sanchez. Tu connais bien, je pense, Eduardo Sanchez, hein? Qu'est-ce qu'il a fait, lui, Sanchez? Ben, justement, il n'en a pas fait beaucoup, il n'y en avait pas. OK. C'est un film qui porte sur le Bigfoot. Ben, pas un Bigfoot. Mais pas les camions, là. La créature mythique et légendaire. Je pensais pas les gros tailleurs, mon film, c'est ça. Le film est plate. Ben, en fait, je t'affirme que le film est plate. Le film est plate. C'est... c'est tourné caméra à l'épaule la majorité du temps. Donc, puis de façon, il y a des façons de caméra à l'épaule qui sont acceptables, d'autres sont très fatigantes. C'est la façon musique plus, là. Ouais, ben c'est la façon musique plus, c'est bien fatigant. Puis ça prend énormément de temps, je te dirais, facilement. C'est long. Hein? Plus de trois quarts du film avant de voir la créature. Okay. Mais par contre, la créature est très bien faite, très bien réalisée. Je lui ai accordé un 3 sur 10, mais ça vaut pas la peine de perdre son temps avec ça. C'est pas très, très bon. Un film que j'ai vraiment hâte de voir, qui est en salle depuis peu, c'est In the Heart of the Sea, qui met en vedette Chris Hemsworth, Thor, et qui reprend un peu le mythe de la baleine blanche Moby Dick. Oh. Ça risque d'être intéressant. Un autre film qui est en salle depuis peu, j'ai hâte de voir aussi. Moi, je suis un fan de Sean Penn. J'aime beaucoup Sean Penn comme acteur. Et il est revenu, ça faisait longtemps qu'il était plus derrière la caméra. Ben, mis à part Gangster Squad, dans lequel il faisait le rôle de méchant, bien là, il revient dans le rôle de Gunman. C'est un film d'action criminelle, bien sûr. C'est en salle, j'ai bien hâte de pouvoir le voir. Un film qui sortira le 17 avril, c'est Child 44. C'est un drame thriller avec Tom Hardy. Naomi Rapace, une de tes préférées. Ben oui. Gary Oldman. Tom Hardy, c'est un excellent acteur. Oui, très bon. Exodus. J'ai écouté Exodus, qui est bien sûr un drame historique à connotation biblique, qui met en vedette Christian Bale et Joel Edgerton et Sigourney Weaver, mais qui a un rôle assez secondaire, qui est bien sûr... Un film de Ridley Scott, en plus, là. Hein? Oh! C'est pas n'importe qui, là. C'est bien sûr l'histoire de l'affrontement entre Moïse et Ramsès, qui était le souverain d'Égypte, qui tenait sous son joug les esclaves juifs, et ainsi de suite. Donc, c'est une histoire qui... Je veux pas te faire de mauvais jeu de mots, mais qui est vieille comme le monde, si on veut. Ben, qui est vieille comme de ce temps-là. De ce temps-là, effectivement. Tu sais, il y a eu beaucoup de... Ben, beaucoup, il y a eu des fresques cinématographiques qui ont été faites avec Charlton Heston, entre autres. Qui étaient possiblement 100 fois meilleurs que ce... Qui sont de loin supérieurs, effectivement, parce qu'on a condensé énormément le film dans trop peu de temps pour tout ce qu'on devrait nous montrer. C'est un peu le principe de Noé. Ouais. Ben, écoute, moi, là, ça, le Noé, là, pour moi, c'est un des plus mauvais films que j'ai vu l'an dernier. Ils ont pas vraiment manqué le shot. Ah oui. Tu sais, ils sont même pas attardés sur la construction du bateau, du pourquoi. Non, C'est ce que tu fais. L'histoire de Noé, c'est la construction du bateau. C'est escamoté. Tout à fait. Eh bien, Exodus aussi, Gods and Kings, qui est le titre complet, c'est escamoté. On a l'impression de dire, ben là, on est déjà rendu là, il manque de quoi, là. Tu regardes ta manette Je l'ai accroché, c'est ça. Écoute, c'est pas mauvais, c'est meilleur que Noé, j'en conviens, et selon moi, de loin. Esthétiquement parlant et au niveau du making, c'est très bien fait, mais c'est un peu escamoté, puis ça a tendance à dire, ben là, on manque certaines choses. J'ai accordé un 6,5 sur 10 et je ne crois pas que ça vaut plus que ça. Ben, le jeu, l'acting est excellent, par contre, je dois dire, là, mais ça s'arrête là. Un film que j'attendais beaucoup, c'est le deuxième Woman in Black. Le premier était avec... excellent. Oui, c'était très bon avec Daniel Radcliffe. Hein? C'est un film de la Hammer. C'est le revival de Hammer. Celui-là aussi, Angel of Death, Woman in Black 2. C'est de la Hammer aussi. C'est de la Hammer. C'est pas le même producteur, c'est Tom Harper. C'est des acteurs que je ne connaissais pas beaucoup. Là, Ellen McCurry, Jeremy Irvine, puis Phoebe Fox. C'est d'une platitude, mais d'une platitude, là. L'ambiance est pas si mal, mais il se passe jamais rien. OK, c'est pas comme dans le premier. Ah non, ben vraiment, des années-lumière de là. C'est le premier, l'ambiance gothique, tout, ouais. C'était vraiment cool. Oui, tout à fait. 2,5 sur 10, pas plus que ça, puis je trouve que j'ai été généreux amplement. Série vraiment extraordinaire, la deuxième série de Black Sails, qui est une... en fait, c'est de l'action, de l'aventure, c'est grosso modo l'histoire du Captain Flint. Ce pirate célèbre. L'illustier. Oui, ce pirate célèbre. Et ça se passe 20 ans avant ce qui a été écrit pour l'île au trésor. Okay. Ah, c'est vraiment très, très, très bien fait. C'est vraiment bon. C'est une série de Star Channel. Moi, je lui accorde facilement un 9 sur 10. C'est tout aussi bon que la première, sinon meilleur. House of Cards, j'en ai parlé, le troisième, c'est vraiment excellent. Faut que tu te mettes à ça absolument, mon ami. House of Cards, c'est vraiment, vraiment très, très bon. Et c'est très, très tordu. Un film qui m'a énormément je dirais, emmerdé. Et je croyais que ça pourrait avoir une connotation et un sujet intéressant. Ça Disconnect, qui raconte grosso modo le phénomène des gens hyper connectés aujourd'hui avec tout ce qui sont la facilité des téléphones intelligents, le net. Ça vaut-il réellement la peine de faire un film sur un sujet comme ça? Non, absolument pas. C'est zéro open bar. C'est très mauvais. Très, très mauvais. Un film qui m'a bien fait rigoler, par contre, puis un moment de détente appréciable qui passera pas à l'histoire, c'est Night at the Museum, Secret of the Tomb. J'ai même pas vu les deux autres. Ben, c'est des films divertissants. Oui, j'imagine, mais j'ai même pas... Faut que je me mette à ça. Oui, c'est divertissant, honnêtement. C'est le fun. C'est un environnement qui est comme un peu... Vraiment, un des derniers films avec Robin Williams. C'est le dernier, je crois. Dernier, ouais. Effectivement. Qui met effectivement en vedette Robin Williams, Ben Stiller et Owen Wilson. C'est le fun, c'est éclaté, c'est un peu fantaisiste. Moi, ça m'a donné... Puis j'ai bien rigolé par bout. Il y a un super petit singe là-dedans. Il est vraiment, vraiment intéressant. Ben, c'est son cousin. Son cousin. Ben, en fait, il s'appelle Dexter. J'ai trouvé ça très divertissant. J'ai donné un 7 sur 10. Ça passera pas à l'histoire, mais c'est cool. Ne perdez pas votre temps avec le film mettant en vedette Bruce Willis et Thomas Jane. Il s'appelle Vice. C'est un film de science-fiction, action. Je croyais que ça pourrait être bon. Ça me semblait être inspiré un peu de... comment s'appelle ce film avec Yul Brynner? Westworld. Oh, connais pas. Tu connais pas ça? C'est un film des années 70. C'est très, très bon. C'est une espèce de Magic Kingdom, si on veut, espèce de Walt Disney qui reconstitue différentes époques. Et les gens riches vont passer des vacances là dans un monde qui est reconstitué. Robotique, ouais. Effectivement. C'est d'inspiration, mais c'est un navet. C'est pas bon. 2 sur 10. Bruce Willis, arrête de faire des films. Je pense que c'est trop tard. Ouais, il commence à avoir la misère. à revoir ou à découvrir. C'est un film de 95. C'est peut-être déjà vu avec Al Pacino, Robert De Niro et Val Kilmer. C'est Heat. Ça me dit quelque chose. Excellent film de gangster. C'est très, très bon. Ben, Pacino, gangster, voyons donc. Ça marche pas ensemble, ça. Non, en fait, il fait un flic là-dedans, lui, en plus. C'est rare. Donc, c'est un très bon film. Heat, c'est un film de Michael Mann. T'as aussi Michael Madsen, je crois, qui joue là-dedans. C'est assez long, je pense que c'est 2h30 comme film. C'est un film, bien sûr, de braquage et de... Je dirais de mise en place d'un braquage très, très audacieux qui dégénère, bien sûr. Il y a beaucoup d'action, c'est bien interprété. Et c'était à l'époque où Val Kilmer était maigrichon. Maigrichon. Oui, parce qu'aujourd'hui. Il rend gros patapouf. Oui, voilà. Hey, on va avoir le droit à une nouvelle saison de X-Files avec. Ben voyons donc. Oui, ils vont commencer pas avec David. Oui. Ah, oui. Oui, il s'est réconcilié avec tout le monde, puis. Et oui, une nouvelle saison d'X-Files qui s'en vient. Le tournage commence cet été avec Gillian Anderson. Ah oui? Oui, c'est ça. Ah ben c'est ça, je suis curieux de voir ça. Je suis curieux de voir ça. C'est-à-dire qu'il a terminé ses élucubrations avec Californication? Bon, j'imagine que oui. Parce que ça a l'air que c'est assez éclaté. Je ne l'ai pas vu, là, je l'ai entendu parler par le Rockmaster, puis c'est assez weird, ça a apparemment l'air. Que c'est assez spécial. Ouais, ah, ben ça risque d'être intéressant à suivre. Oui, il y a peut-être bons films qui s'en viennent aussi. Le Age of Ultron, Oui, écoute, The Avengers, Age of Ultron, c'est le 1er mai. On a Mad Max, un remake de Mad Max. C'est Agents of S.H.I.E.L.D. Pas encore. C'est écœurant. Ben, il fallait que je finisse Black Sails. Et puis, écoute, je me disais, faudrait que je termine aussi Walking Dead. Donc, je sais plus où m'y arracher. Walking Dead, il me reste la dernière saison. Écoutez. Selon moi, c'est probablement la meilleure. De ce que j'ai vu à date, là, mais je ne l'ai pas tout vu. Là. Okay. Mais écoute, mais il y en a trop de choses à voir. Là. Ah, y en a on pourrait passer de... Ça n'a pas de bon sens. On pourrait passer notre vie à écouter des. Tout à fait. Ah, ce serait le fun. Ah, écoute, on pourrait peut-être le faire. Je pourrais devenir enfin un gros. Ben oui, mais le problème, c'est que il faut que tu en écoutes pendant bien longtemps pour, dans ton cas, devenir gros. Oui. Oui, puis pas mal longtemps. OK. Hey, on va... Écoute, il nous reste un beau bloc pour à la sinistrose à vous proposer, un bloc de 25, pratiquement 26 minutes. Compte tenu l'heure qui est là, ça va probablement être le dernier bloc de l'émission. On va revenir en onde avant la fin de ce bloc-là, mais je vous invite tout de suite à ne pas quitter C'est fou, bien entendu, après réanimation, parce que c'est Matière Noire avec Alex qui va être là tout de suite à 21h. Et n'oubliez pas que ce vendredi dès 11h, c'est Rock Classique, émission à laquelle je participe maintenant depuis peut-être trop longtemps pour le Rockmaster. Je sais pas. Donc, mais... tu es le sinistrose du Rockmaster, finalement. Ben, écoute, je sais pas. Je pense pas que je pourrais aller aussi bas que ça. Ben, là... Force-toi, fais quoi? Non, je suis pas toujours reposant, j'en conviens. Cette semaine, étant donné que la semaine dernière, nous avions décalé le 3 pour 1 pour faire un spécial métal pour le Metal Fest, bien entendu. Cette semaine, on remet le 3 pour 1, donc soyez-y dès 11h jusqu'à 17h. Ceci étant dit, Sinistros, tu nous proposes quoi? Ben, un bloc... Arrête donc, toi! Oui, légèrement un peu plus technique, un peu plus éclaté musicalement. Oui, je vois ça, là, oui. J'ai vraiment choisi des trucs qui vont nous faire aller neurones un petit peu plus que du métal conventionnel. C'est difficile, ça. C'est vrai que c'est dur, ça, hein? Ben, faut pas sortir du cadre, hein? Non. Ah, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, c'est parce que là, je vois que tu as rehaussé la qualité, puis je t'avais dit qu'il faut rester dans une médiocrité. Ben oui, mais là. On va le passer pareil. Je peux pas rester médiocre tout le temps, moi, là. Mais t'étais bien parti, pourtant. C'est difficile. On va faire un extra, puis on va le passer. Eh bien, on va commencer avec Formation québécoise qui n'est plus à présenter, du moins, je l'espère. Ben, j'imagine. Voivode. Avec Empathy for the Enemy, c'est tiré du tout dernier album qui est paru en 2013, Target Hurt. Mm-hmm. Ce sera suivi de Atheist, Opeth et Seer Bliss. Alors, éclatons-nous. Allons-y. Voivode. Go! Thank you.

20h48, l'émission tire à sa fin. Je ne sais pas, mon cher Sinistros, si on va pouvoir s'arranger jusqu'à Sir Bliss, parce que tu nous as préparé une toune de Hopef relativement longue. Ben, ce sera une toune de Hopef excessivement longue. Puis Sir Bliss, ça ira dans un autre tantôt. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? On vient d'entendre Atheist avec la pièce Fictitious Glide. C'est tiré de l'album Jupiter. Et Jupiter. C'est sorti en 2010 sur Season of Mist. Excellente pièce. Oui, excellente pièce, excellent album. Puis ça fait longtemps, là, 5 ans sans album. Ouais, ils sont pas très productifs, faut lui non, donner ça. Mais au moins, on est sûr que quand un band de même est pas très productif, quand ils sortent un album, c'est plus le temps, wow. Ben, il y a plus de chance, oui. Oui, il y a plus de chance. Nous avons eu la pub qui nous vantait les mérites d'un bon paquet de trucs, dont certaines émissions ici, c'est fou. Oui. Et nous avons eu Voivod avec Empathy for the Enemy. C'est sorti sur l'album Targeter, qui est perdu quelque part. Paru en 2013 sur Century Media. Et est-ce que tu as entendu la nouvelle pièce de Voivod qui s'appelle We Are Connected? Pas du tout. Ça va sortir sur un split vinyle avec At the Gates. Ah oui? C'est moi, le mien, il est commandé déjà. Là. J'étais même pas au courant. Ben, ça a passé comme un petit peu par en dessous, là. Okay. La toune est vraiment quelque chose. Oui. Très progressif, là. Puis ça sort quand? Ben, incessamment, là. Les pre-orders étaient il y a 2 semaines ou 3 semaines. Ah. Moi, j'ai commandé ma copie parce que je pense qu'il y a 2000 copies, puis that's it, là. Sur vinyle. Sur vinyle. C'est un 7 pouces. Puis c'est encore, oui, c'est un peu le principe de la pochette de Kuslap Ocom. C'est fait un petit peu comme en genre de trait, là. On dirait un bonhomme poilu. Oui. C'est le même principe, mais il a fait les deux côtés, At the Gates puis Voivod. Écoute, dernière At the Gates, c'était fort intéressant aussi. Intéressant, oui. At the Gates qui est comme revenu en force, a laissé là où ce qu'il y avait. A repris ce qu'il y avait laissé. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Écoute, la semaine prochaine, on va être là. Oui. C'est avec plaisir que tu vas être encore avec. Avec mes cochonneries, vieilles patates. Ouais, c'est ça. Avec moi, Horace, puis toutes ces. Je vais faire attention de mettre bien du mauvais stuff, là. Je m'excuse. Je suis même pas inquiet. Donc, comme je disais tout à l'heure, Matière Noire commence dans 9 minutes. Juste le temps de vous présenter et d'écouter cette dernière pièce de Hopeth, mon cher Sinistros. Et oui, Hopeth avec la pièce Godhead's Lament qui est apparue sur l'album Still Life, qui est paru en 1999 sur Peaceville. Ouais. C'est une belle pièce de 9 minutes 47 secondes. Alors, sur ce... Allez tous vous faire foutre! Ben oui! See you!